Yo, hijack, tout droit du Delta 5-3, putain. Yeah, on casse pour les nôtres, yo. Toi pour moi, moi pour toi. Frankie Navo Stars, putain. Yeah, Jaspo Entertainment, Diaspora. Représente le Delta 5-3. Toi pour moi pour toi, c'est comme ça que ça se passe. J'ai jamais voulu être un parmi les assassins. Mais quand il s'agit de mes gars, je deviens très malsain. Pire qu'un tueur en série, j'élimine nos ennemis. Un à un ou en série, protège camarades et amis comme amis fâchéris. 12 mois l'année, 24 sur 24. Les leurs sont les miens et les miens les leurs. Je suis avec ma clique ou nulle part ailleurs. D'ailleurs, à eux, je suis plus fidèle que Rex. Toujours là pour eux, même sur l'emprise des Vex. Pour les miens, je suis prêt à mourir comme Snipe ou Rex. Et vice versa, Sex Lex, Super Sat. C'est ça qu'ils veulent, je courrai vers sa tâche. Que D.A.K.O, faire que chacun pour soi. Défonce pour ses gars, comme un Kurt pour le PKK. Delta Alpha, comme un Omega, tu pour vous mes gars. Soit pour moi pour soi. J'aligne mes barrières, assure tes arrières. Personne n'ira par derrière. Soit pour moi pour soi. Parce que la rue c'est fou, c'est flou, c'est plein de loups. Mec derrière sont ton coup. Soit pour moi pour soi. On vit ensemble, on rappe ensemble, on pèse ensemble, on meurt ensemble. Soit pour moi pour toi. Hey yo Nako, cette jungle, faut compter que sur soi-même. Dresse tes propres antennes et reste vigilant toi-même. Car même si le thème, c'est les mêmes mecs avec toi se promènent. Qui te lâcheront demain dès que t'auras un petit problème. Je t'avais prévenu. Je sais, mec, mais j'étais en discothèque. Et bourré de whisky sec, mes pecs en l'air sans respect. Si la hijack, cigare au bec, j'étais plus beau que Derek et plus high que tech. Ils m'ont mis groggy comme Peck, car tous les coups sont permis. On est en guerre comme Biggie et Peck. T'as gobé jamais ta garde, garde, tu mets les pattes, ta tarte. Pas ici par mes gardes, ça parle avec ses parches. Sache que je ferai pas de quartier, pas de blessés, pas de prisonniers, sans pas de rescapés. Derrière moi, ça les que les tuer, je suis un snipe, moi je suis hype, moi je suis tight. Tu sais que toi pour moi tu seras là et moi pour toi je serai toujours là, yo. Jack dans ta face, sale pute. Ouais, 2001 pour que tu saches qu'on fait pas dans la blague, bébé. Check ça, sale pute. Yeah. Soit pour moi pour toi. J'aligne mes barrières, assure tes arrières, personne n'y crame par derrière. Soit pour moi pour toi. Parce que la rue c'est fou, c'est flou, c'est plein de loups, mec, t'es rien sans ton coup. Soit pour moi pour toi. On vit ensemble, on rappe ensemble, on pèse ensemble, on meurt ensemble. Soit pour moi pour toi. Hey yo, Nako. C'est rien, femme c'est rien. La grande gueule c'est rien, la sape c'est rien. Les trophées c'est rien, mec. Par contre ce que tu veux, viens en forme comme tu peux. Sans ta clique t'es rien. Yo t'es rien sans ta clique, ça clique pour cette clique qui rapplique à 10 contre et qui appelle les flics en hijack les nicks. Suck my dick, suck my dick. Si t'es un MC sans crew, yo suck my dick. Si t'as personne derrière toi, sache que dans la rue mec personne n'a peur de toi. Ici le nom fait le poids et le poids fait la loi. Tu comprends pourquoi, au Delta 5-3 hijack fait la loi. Yo on tue pour les nôtres, comme les nôtres pour nous. Et on vit pour les nôtres, comme les nôtres pour nous. Yo, et si vous êtes des nôtres, yo, vos bras pour nous. Yeah, bang, bang, bébé, toi pour moi pour toi. Soit pour moi pour toi. J'aligne mes barrières, assure tes arrières, personne n'y crame par derrière. Soit pour moi pour toi. Parce que la rue c'est fou, c'est flou, c'est plein de loups, mec, t'es rien sans ton coup. Soit pour moi pour toi. On vit ensemble, on rappe ensemble, on baise ensemble, on meurt ensemble. Soit pour moi pour toi. Hey yo, Nako, quoi, snipe, quoi, toi pour moi pour toi. Yo, hey yo, X! X! On t'aime, mon gars.